Jamás le use, le dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? Jamás le use, le dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? La vérité blesse, comme les cartouches du peupon. À deux doigts de péter un plomb. Grandi dans un HLM, entre les cafards et la haine. Maman se bat pour ses fils, à en avoir mal au dos. Je cours après l'argent et le temps. Le cœur est brusson comme mon teint. Shopping sur l'avenue Montaigne. C'est dans nos bâtiments qui caillent. J'ai des frères qui croient en moi, des autres qui font semblant. Mais bon, moi je les vois. Sur mon dos, beaucoup de poids. Évitez de toucher le fond. Et quand y'a un bouillon, fait feu. On s'est réglé les contentieux. Ma paire de requins, un jogging. C'est la mélodie du bon chat. Le bonheur des miens et c'est tout. Je m'isole le montel, j'éteins. Ceux qui chichent devant une chaîne, ici c'est chez nous, y'a pas de ciné. 6h ils sont venus perquisitionner, on fait pas de simu, on est trop entier. Chez toi je suis rentré, je vois tout, je suis ganté. Et si t'es là, tu vas finir ligoté. Siroc est glacé, mes yeux sont couleur bleu sous les glacis. Bloc sous la jaquette, je manque comme au poker. J'ai plus le temps à perdre pour ces docas. T'es con, arrête de tromper dans les deux cons. Grandis dans les mauvais côtés de Paris. On commence par où? Les gueux, les terrains, les trottoirs, les tebus. Cuisine à rebut, comme le daron souvent rebout. Grâce à vous, j'irai jusqu'au bout. Et cette vie n'est qu'un combat, rempli de coups. Rempli de teutrés, j'ai tellement zoné, je sais plus comment rentrer. J'ai tellement zoné, je sais plus comment rentrer. Ce que tu me racontes, j'en ai plein à cirer. C'est toi qui crève en premier dans la série. De bâcherie, tout fait pour eux. De bâcherie, tout fait pour eux. Mais leur intérieur est pourri avec ta bande de peureux. Bah oui, j'écris, je fume, je bois. Et je me demande le bonheur coûte combien. Qui veut ma peau, qui veut mon pain. On est là pour tout ramasser. J'écris, je fume, je bois. Et je me demande le bonheur coûte combien. Qui veut ma peau, qui veut mon pain. On est là pour tout ramasser, oh. J'ramasse les ours, vous dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? J'ramasse les ours, vous dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? C'est pas vu au bon cher. Les condés nous cherchent. Les coffrets dans la planque. Près du mur, arrête la taupe. C'est pas vu au bon cher. Les condés nous cherchent. Je suis coffré dans la plante, pas de me arrêter la taupe. Il ramasse les housses, je dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? Je ramasse les housses, je dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? Tout ma vie au bon genre, les condés nous cherchent. Je suis coffré dans la plante, pas de me arrêter la taupe. Tout ma vie au bon genre, les condés nous cherchent. Je suis coffré dans la planque, pas de me arrêter la tombe.